Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du Mag d'Actu sur Radioactive. Aujourd'hui, on va s'intéresser à vos idées et à vos envies avec un focus sur les projets du budget participatif d'Amboise. Alors, quels seront les prochains aménagements ou initiatives financées grâce à vos votes? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité, Lionel Chisson, l'adjoint à la culture et à la démocratie permanente d'Amboise. Bonjour Lionel. Bonjour Marlène. Un élu au goût éclectique qui jongle avec aisance entre punk et concerto. Pas de problème, il faut de la diversité culturelle, c'est important. Alors aujourd'hui, il vient pas pour nous faire du Béru à l'antenne, hein, mais pour nous présenter les projets en lice pour ce budget participatif. Alors pour resituer un petit peu les choses, pour ceux qui auront manqué l'émission récemment enregistrée en novembre avec votre collègue Emma Delière, chargée de la démocratie permanente. Ce budget participatif, c'est un outil démocratique qui permet aux habitants de la ville de proposer et de choisir des projets à financer grâce à une enveloppe dédiée. En l'occurrence, on parle pour Amboise d'une enveloppe de 50 000 euros. Tout à fait, 50 000 euros chaque année. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les étapes de ce dispositif ? Alors oui, tout à fait. En fait, alors, il y avait plusieurs étapes pour chacun de nos citoyens, de nos habitants. Il y avait d'abord une étape de dépôt des projets. C'était au mois de septembre et octobre. Donc, tout le monde pouvait déposer des projets, il fallait avoir plus de 10 ans. Ça pouvait être soit individuel, soit au nom d'une association. Ça, c'était la première partie. Et après, il y a eu toute une phase plus, on va dire, entre guillemets, administrative, mais où il fallait un petit peu qualifier les projets, les analyser, voir avec les différents services municipaux s'ils étaient réalisables, aider parfois, ou en tout cas proposer de l'aide à certains proposants pour leur permettre de mieux travailler leur projet, d'avoir quelque chose de plus précis, pour pouvoir finalement arriver à une commission de suivi. Alors, c'est une commission de suivi où on avait fait le choix dès le départ d'avoir des citoyens tirés au sort, avec également des élus et puis des experts, des agents de la mairie, pour pouvoir un petit peu décider, entre guillemets, si les projets pouvaient être présentables ou non. Et puis aussi pouvaient, peut-être pour certains qui n'étaient pas présentables, être retravaillés. Donc en fait, on avait voulu que ça soit quelque chose d'assez transparent au travers de cette commission avec des citoyens tirés au sort pour travailler avec nous. Et on a décidé en consensus. Donc voilà, on avait 35 projets. Au départ, 35 qui ont été déposés. Tout et à fait. Combien ont été retenus ? Et on en a retenu 13 pour le vote. Qu'est-ce qui fait que justement certains n'ont pas été retenus ? Alors, ce qui fait qu'ils n'ont pas été retenus, donc bien évidemment, chaque porteur de projet a été informé. Alors, certains n'étaient pas assez aboutis. Par exemple, pour vous donner une idée, il y avait un beau projet. Alors, c'est des projets qui étaient sur la plateforme, autour d'une objet tech. Pourquoi pas, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu soutenir. Mais en fait, il fallait aussi une structure porteuse pour pouvoir porter ce projet. En soi, sinon, ça implique énormément de choses. Une objet tech, il faut un agent pour vérifier, pour faire venir, enfin, en plus, des objets qui peuvent être électriques, etc. Donc, il y a toute une dimension vérification au retour, vérification avant de les proposer. Donc, voilà, le projet était plutôt pas mal sur le papier, intéressant, mais il n'était pas réalisable ou en tout cas pas suffisamment approfondi pour l'instant pour pouvoir être proposé. On aurait pu aider, par exemple, une partie du projet, une partie des achats, mais il fallait une structure pour l'appuyer, etc., ce qui n'était pas le cas. Alors, il y a des choses comme ça qui ne sont pas réalisables. Il y a des choses aussi qui sont proposées dans des lieux. Par exemple, on a eu pas mal de projets sur l'île d'Or. Soit c'est des projets qui sont déjà prévus par le schéma directeur de l'île d'Or. Et dans tous les cas, c'était des projets difficilement intégrables dans ce budget participatif parce que l'île d'Or fait l'objet d'un schéma directeur qui doit être validé par la DREAL, puisqu'on est sur l'imageur de la Loire, par la DRAC, puisqu'on est dans les espaces protégés de la ville d'Amboise, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est difficile. Et puis, il y a des projets qui étaient déjà prévus. Par exemple, on a une demande pour faire des terrains de pétanque. Alors, pour en faire sur l'île d'Or, on est sur le premier point, schéma directeur de l'île d'Or. Et puis sinon, ils proposaient éventuellement d'en faire au bois de... La moutonnerie. Voilà, au bois de la moutonnerie. Merci Marlène. Et donc, au bois de la moutonnerie, c'est déjà prévu dans le projet de la moutonnerie. Donc, pour le coup, la proposition était intéressante, mais c'est déjà prévu. Et puis sinon, on a eu d'autres projets où il y avait parfois à intervenir des propriétaires et ils n'étaient pas forcément très favorables au projet. Enfin, il peut y avoir plein de petites raisons différentes. Et puis aussi, bien évidemment, parfois... On a eu une proposition de skatepark. Alors, indépendamment du fait qu'on porte déjà cette proposition au niveau municipal, on dépasse très largement les 30 000 euros avec un skatepark. Ouais, donc ça, c'est aussi un des éléments qui fait que certains projets n'ont pas pu être retenus. Donc on est bien d'accord que cette enveloppe de 50 000 euros, on peut voter pour plusieurs projets. L'idée, ce n'est pas de tout écouler sur un seul et même projet. Alors tout à fait, puisque de toute façon, on limite à 30 000 euros par projet. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a imposé de voter au moins pour deux projets. pour que si quelqu'un est un peu en promotion d'un projet, ce qui peut se comprendre, hein, c'est très bien, ou porteur un peu, ou proche des porteurs, bah, il est obligé au moins de se prononcer sur un deuxième projet pour ne pas se prononcer sur un seul. Et en gros, l'idée, c'est un système un peu de panier. Vous avez 50 000 euros et puis vous pouvez décider à hauteur de 50 000 euros bah, de proposer autant de projets que vous le souhaitez tant que vous ne dépassez pas ces 50 000 euros. Okay. Donc ça ne peut pas être 1, ça peut être 2, 3, 4, 5. Tout dépend un petit peu des montants, puisque bien évidemment, il y a des projets où on est à 30 000 et puis il y en a qui sont beaucoup moins chers. Alors, on va s'intéresser de plus près à chacun de ces projets, vous allez nous en parler, mais on a pu voir déjà qu'il n'y avait pas que des projets finalement individuels, mais il y en a qui sont portés par des structures associatives notamment. Oui, tout à fait. Donc on avait souhaité, alors c'est notre premier budget participatif, hein, c'est la première fois en Boise qu'il y a un budget participatif, donc on avait souhaité être très ouvert dans les possibilités. Donc on a à la fois des choses qui relèvent vraiment de l'investissement, des choses un peu structurantes, des aménagements, et puis aussi des projets qui sont plus des projets d'événements, par exemple ponctuels, qui peuvent être proposés. Et puis on a effectivement soit des projets qui sont proposés par des citoyens, soit des projets qui sont proposés par des associations. Ok, eh ben, vous allez nous en dire plus hein, dans quelques instants. On va marquer une pause en musique avec un titre que vous avez choisi et qui se prête bien au thème du jour, puisque c'est Démocratie, un titre qui va nous décoiffer avec Tagada Jones, et on se retrouve tout de suite après. Je suis une idée qu'on peut contrôler. Tagada Jones sur Radioactive, c'était Démocratie, un titre choisi par Lionel Chisson. Alors Lionel, il est adjoint à la culture et à la démocratie permanente à Amboise, mais pas que, hein, on le retrouve aussi sur d'autres pôles qui sont... Le patrimoine notamment, et puis il y a tout ce qu'on appelle lecture publique, donc la médiathèque, c'est quand même les quatre principales activités. Et puis si, quand même c'est très important, c'est l'éducation populaire. On y est très attaché avec Brice Ravier, le maire, à avoir cette dénomination et cet attachement à la démocratie et à l'éducation populaire. Ça va un peu ensemble. On vous rejoint totalement là-dessus, vous l'imaginez bien. J'imagine, effectivement. Alors Lionel, juste avant cette pause en musique, nous avons parlé de ce budget participatif qui est en ligne actuellement sur la plateforme Participons, où on peut voter pour les projets qu'on souhaite voir se réaliser. Alors ces projets, justement, est-ce qu'on peut venir un petit peu plus dans le détail ? Ils sont au nombre de 13. Dites-nous de quoi il en ressort. Alors peut-être juste avant, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, j'ai regardé ce matin, on était à 333 votes. Bien. Et 131 participants. Ça veut dire que les gens, en moyenne, ils ont soutenu 3 projets, un petit peu moins. On en est déjà là. Et il reste encore 41 jours, puisque le vote va jusqu'au 2 février. Donc ça, c'est hyper important qu'il y ait un maximum de votes pour qu'on ait vraiment... la possibilité que ce soit assez représentatif de ce que souhaitent les habitants d'Amboise, parce que le principe, c'est à partir de 10 ans, et si on est amboisien, on peut voter. Voilà. Donc maintenant, on peut effectivement aller sur les projets. Le premier projet, c'est l'organisation d'ateliers dans les maisons de retraite d'Amboise. Donc c'est une association qui s'appelle Y'a pas de hasard, qui travaille avec les résidents des maisons de retraite, alors plus largement sur le territoire, mais pour le coup le projet, nous on l'a bien évidemment concentré sur les maisons de retraite d'Amboise, puisque un des principes quand même, puisque un peu quand on décide notamment de la faisabilité, il y a cette dimension règlement intérieur, il faut quand même que ça se passe à Amboise, le projet derrière, bien évidemment. Ouais. Donc là, c'est un projet pour mettre en place des ateliers au niveau donc, des maisons de retraite d'Amboise. Donc on est sur un projet qui est estimé à 2 250 €. Et comme on l'évoquait ensemble tout à l'heure, pendant l'intermède, comme c'est une association qui porte ce projet, on est sur un financement maximum de 85% du projet, puisqu'on est sur une association qui présente et qui porte le projet, puisqu'une association, à la limite, pourrait présenter un projet qui ne la concerne pas du tout, qui est complètement à part de son activité. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a une limitation à 85%. Après, à l'association de pouvoir trouver, par ailleurs, les 15% supplémentaires pour concrétiser le projet. D'ailleurs, on peut constater, avant que vous alliez juste un petit peu plus loin, mais il y a eu beaucoup de dépôts papiers, finalement, de personnes qui sont venues de manière individuelle pour déposer du projet. Alors, là, par exemple, si on prend sur les 13 qui ont été retenus, on est à peu près moitié-moitié. Ouais, c'est ça. Moitié association, il y a même 7 et 6 qui sont pour des individuels, pour des citoyens qui ont déposé des projets. Sachant que, bien évidemment, c'était soit la plateforme, soit parfois en format papier. Effectivement, oui. Donc, il y a eu pas mal de citoyens qui ont proposé des projets, aussi des associations. Parfois, peut-être, sur les projets citoyens, on avait des idées. Et ce n'était pas suffisamment abouti, on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelques projets qui étaient vraiment des belles idées. Mais pour le coup, pour le mettre au vote, il faut quand même qu'on soit au-delà de la simple idée. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'un petit peu construit. Donc c'est vrai que peut-être que les associations sont un petit peu mieux armées pour faire vraiment un dépôt de projet en bonne et due forme. Mais pour le coup, on avait ouvert à tout le monde, donc c'est pas un souci en soi. Très bien. Donc alors, il n'y a pas de hasard, ce premier projet, co-correspondance inter-maison de retraite. Voilà, c'est pour mettre en place des correspondances pour animer les maisons de retraite et pour permettre de donner à nos résidents des maisons de retraite d'Amboise aussi des activités, des moments de partage entre eux et entre maisons. Ok, on poursuit. Oui, alors le deuxième, donc on était sur du matériel de jardin pour un jardin partagé à la Sage. Donc le principe aussi, c'est que c'est ouvert à tous. Donc là, le jardin, il est ouvert à tous, il est à l'arrière de la Sage. Et il y avait une demande pour donner du matériel, pour pouvoir aider à ce que le jardin puisse vivre. Donc c'est un projet qui est estimé à 2 000 € et qui est donc proposé donc en numéro 2. Voilà. Très bien. Après, on a l'aménagement de la place de l'avenue de Plaisance. Donc là, on est sur un projet qui est un peu structurant, puisqu'on est sur un projet d'aménagement de l'espace qui se trouve au milieu à peu près de l'allée de Plaisance. Donc il y a une petite place où dessus il y a des jeux et il y a quelques bancs qui sont un petit peu vétustes. Donc là, l'idée de cet aménagement, elle est double. Elle est d'une part de mettre une petite barrière tout autour de la place pour permettre notamment à ce que quand les enfants viennent jouer, ils ne puissent pas sortir de la place, puisque bien évidemment il y a des voitures tout autour de la place, et un peu plus sécuriser pour le coup des enfants qui viendraient jouer notamment. Mmh. Et puis aussi de mettre deux bancs et une table de pique-nique pour rendre un petit peu plus convivial l'espace. Donc là, il y a une structure déjà de jeu, mais pour l'instant, il n'y a pas de petites barrières qui permettent de pouvoir laisser un petit peu les enfants jouer avec une surveillance qui doit être importante, mais qui peut être un tout petit peu différente, parce que c'est évident que là, si l'enfant y sort, tout de suite, on est sur la rue. Ouais. Donc un projet intéressant, avec aussi un petit peu d'aménagement pour les habitants du quartier, s'ils veulent venir soit pique-niquer, soit se reposer. Voilà. Très bien, donc un deuxième projet qui se situe plutôt sur le quartier politique de la ville de Malétrennes. Tout à fait. Il y en a encore un d'ailleurs. Oui, parce que la SACH était effectivement aussi sur Malétrennes, et puis il y a un projet aussi sur les ateliers d'écriture dans le quartier de Malétrennes, qui sont gratuits et ouverts à tous. C'est pas parce que c'est dans le quartier que c'est pas ouvert à tous. Ça, c'est aussi un élément important par rapport au budget participatif. Et donc, derrière, c'est porté, je crois, sauf erreur de ma part, par Livre Passerelle. Et puis, l'idée derrière, c'est aussi de pouvoir continuer ce travail d'atelier par la possibilité d'avoir des bons d'achat pour des livres et une visite à un salon du livre qui a lieu à Beaugency. Donc voilà, il y a ces ateliers qui sont ouverts à tous et pour lesquels il peut y avoir des suites et qui sont proposés par Livre Passerelle aussi sur le quartier de Malétrennes. Ok. On a ensuite peut-être deux projets qu'on peut rapprocher un petit peu, qui sont des projets un peu scientifiques, qui sont portés par Astronomie en Val d'Amboise, je pense. Si, il y en a un, c'est Astronomie en Val d'Amboise, et l'autre, c'est Fête de la Science en Val d'Amboise. Donc deux projets plutôt scientifiques, donc un autour du pendule de Foucault, où il y a, donc là on est sur des projets associatifs, hein, donc soutenus comme je disais tout à l'heure à 85%, sur le pendule de Foucault, c'est pour faire venir un pendule de Foucault sur Amboise et pour pouvoir l'installer, pour pouvoir un peu faire découvrir ce principe de ce pendule qui ne s'arrête jamais. Donc il faudra qu'on, si c'est retenu, qu'on regarde exactement où on va pouvoir le mettre, parce qu'il faut quand même 9 mètres de hauteur pour pouvoir l'installer, donc on ne peut pas le mettre partout. Forcément c'est à l'intérieur, donc on verra, il faudra qu'on puisse regarder exactement où on le fait, et on est sur un système de pendule qui ne s'arrête jamais. Voilà. Et puis l'autre projet, c'est un projet autour du système solaire, avec une sorte de reconstitution du système solaire à l'échelle qui se ferait au niveau de la cité scolaire sur l'ensemble de la rue du Clos des Gardes, pour bien mesurer aussi les distances, donc avec des panneaux hein, qui marqueraient chaque planète, avec les distances. Mais en fait, on s'aperçoit que on se retrouve avec des distances parfois qui peuvent être très importantes et ça donne un peu une échelle des choses qui peuvent être très proches, notamment sur certaines planètes qui sont assez proches et après le Soleil qui est beaucoup plus loin. Mmh. Et ça fait quasiment toute l'allée du Clos des Gardes qui sera nécessaire pour pouvoir représenter comme ça un petit peu à l'échelle le système solaire. Donc ça, c'est un projet aussi qui est porté par les associations scientifiques de la ville. Donc je pense que là, c'est plutôt Astronomie en Val d'Amboise. Ensuite, on a un projet qui concerne plus le quartier des Hauts-de-Choiseul, qui concerne donc la propreté canine, donc la possibilité d'avoir des bornes de propreté canine sur ce quartier-là, et puis une boîte à livres, donc sur le quartier. Donc après, je n'ai pas donné les prix à chaque fois, mais chacun pourra aller voir sur le site, sur les prix, hein, enfin sur l'estimation des coûts, parce que le prix, ce n'est pas tout à fait le terme adéquat. Hein. Mm-hmm. Oui, mais rappelons qu'effectivement, tout ce que vous dites là, on peut le retrouver sur le site de la ville d'Amboise, la plateforme Participons. À chaque fois, il y a un chiffrage, on est sur des montants qui sont là plus ou moins importants. Hein, mais par exemple, la maquette du système solaire, c'est un coût de 10 000 euros. Donc on a le petit plan là sur l'ensemble du Clos des Gardes. Quand je parlais du pendule de Foucault, on était sur 4 000 euros, c'est l'estimation. Voilà. Et puis, par exemple, l'aménagement pour la place à Plaisance, on est sur 15 000 euros. Mmh. Voilà. Bah oui, dès lors qu'il y a des aménagements, on est sur des coûts qui sont forcément plus élevés qu'une boîte à livres, évidemment. C'est évident. Alors, globalement, on voit d'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, hein, un projet qui pourrait sembler pas très onéreux, mais qui est finalement le projet qui est le plus important en termes de coûts, c'est qui a un coût de 30 000 euros, hein, qui est le coût maximum, c'est le projet de mettre en place 3 fontaines d'eau potable sur la ville. Parce qu'il faut mettre en place les fontaines, mais il y a aussi des raccordements, etc. Donc, on se retrouve sur un projet pour 3 fontaines, qui est à 30 000 euros, avec donc l'idée, c'est d'en mettre 3, une sur le quartier des Bouts-des-Ponts, bon, plus ou moins vers la gare, hein, une sur la place du marché, et puis une à Malétrennes, donc ça peut permettre Déjà pour des gens qui sont de passage et puis aussi pour la désaltération quand on se promène dans les rues d'Amboise. Sachant qu'il y en a une autre qui est prévue, mais ça c'est déjà prévu actuellement, place de la Tour Horto, quand il y aura la fin de l'aménagement de la rue Victor Hugo. À un moment, il y en aura une aussi tout en bas, donc juste à côté du château. Et ça, c'est le projet, le projet qui a 30 000 euros, donc qui est le montant maximum. Après, on a un autre projet alors, qui est porté par une association, mais qui ne correspond pas à son objet. Donc pour le coup, on n'est pas sur le régime des 85%, puisque là, ce n'est pas un projet qu'elle porte qui correspond à son objet associatif, même si elle a un intérêt pour le patrimoine, puisque c'est un projet patrimonial. C'est pour la restauration du tombeau de Léonard Perrault. Donc c'est un tombeau qui est dans le cimetière des Ursulines à Amboise, qui est juste à côté du tombeau du duc de Choiseul, sachant que Léonard Perrault, c'est lui qui a participé à ce qu'il puisse y avoir une restauration du tombeau du duc de Choiseul à l'époque. C'est pour ça que lui-même, il a son tombeau juste à côté. Et puis, le tombeau, il est aujourd'hui en assez mauvais état. Hein. Il y a eu un diagnostic qui est en cours de la part de la ville pour voir un petit peu les coûts, même si on a un peu une idée déjà de ce que ça pourrait représenter. Et donc, pour ce projet-là, il y a un coût qui a été estimé à 15 000 euros pour la rénovation de ce tombeau. Après, on est sur des coûts patrimoniaux. Donc là, c'est toujours Bâtiments de France, artisans spécialisés. Ouais. Donc, on est tout de suite sur des coûts qui sont non négligeables. Oui, c'est important, bien sûr. Donc, c'est vrai que il fait un peu, tristoun et il y aurait vraiment besoin de pouvoir être rénové, ce tombeau, surtout à côté de celui du duc de Choiseul, qui est plutôt pas en trop mauvais état. Et donc ça, c'est un projet qui est aussi présenté au vote des Amboisiens. Après, on a un projet qui est un petit peu, qui ont assez à vision environnementale, avec l'association SOS Martinet. Donc là, on est sur un projet à 85%, qui propose la mise en place de nichoirs, alors, notamment dans les écoles, mais là aussi, des fois, on fait des petits aménagements. Donc là, on a dit que ça pouvait être aussi dans d'autres bâtiments municipaux, en fonction aussi des volumes et de ce qui est possible de faire. Donc ça, c'est un projet qui est estimé à 3600 euros. Pour 50 nichoirs pour les Martinets noirs sur la ville d'Amboise, notamment dans les écoles, pour aider à ce qu'on ait plus de Martinets noirs sur notre territoire. Une espèce qui, rappelons-le, est en danger avec une grosse mobilisation d'SOS Martinets qu'on retrouve sur plein d'événements environnementaux. Tout à fait. Et d'ailleurs, comme projet aussi à dimension environnementale, on a un projet de barrière à déchets pour le marché d'Amboise. Et donc, en fait, cette idée, c'est de mettre une barrière le long de la place du marché d'Amboise pour protéger la Loire, en fait. Parce que, bien évidemment, avec les marchés, voire même avec d'autres choses qui peuvent se passer sur la place, on a des déchets qui sont sur la place et puis qui ont tendance à s'envoler et à aller directement vers la Loire. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en place une barrière le long, alors c'est des barrières légères, le long finalement de la place du marché pour qu'ils retiennent les déchets et qu'ils puissent être ramassés quand on fait le nettoyage de la place, notamment après les marchés, et pour éviter qu'ils aillent dans la Loire. Donc ça, c'est un projet donc pour toute la distance, puisque c'est relativement long, la place du marché, qui est un coût de 4000 euros, donc qui est proposé au vote des Amboisiens. Alors je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais pour les bornes canines et la boîte à livres sur les Hauts-de-Choiseul, on est sur 8500 euros. Mmh. On voit bien que dès qu'on est sur du mobilier urbain, sur de l'aménagement, on est sur des coûts plus importants. Autre projet qui, lui, est très différent, parce que vous voyez qu'il y a des projets plutôt d'aménagement. Complètement. Et puis d'autres qui sont plutôt des projets un peu associatifs, mais aussi d'événements. Alors, on en a deux, notamment. Et je me demande si on n'arrive pas, d'ailleurs, sur les deux derniers, et qui sont des projets pour soutenir des événements. Donc, il y en a un, c'est un projet qui est porté par la Belle Poule autour des femmes de Touraine. Et ce projet donc a pour objectif de proposer des conférences et des rendez-vous autour des femmes de Touraine tout au long de l'année 2025. C'est un projet qui est donc estimé à 1530 euros. Avec l'objectif d'organiser tous ces événements autour des figures de femmes en Touraine et puis de montrer quel est leur rôle important dans notre société. Et on a toujours besoin de rappeler à quel point il est nécessaire de ne pas sous-estimer, y compris dans l'histoire, la place des femmes, ce qu'on a trop souvent fait. Et donc, un des premiers événements, ça sera autour des femmes qui faisaient partie de l'entourage d'Abdelkader. Quand il était emprisonné à Amboise entre 1848 et 1852, avec une conférence sur ce sujet-là qui se passera au Musée d'Art et d'Histoire d'Amboise le 1er mars à 16h, c'est un samedi. Donc c'est le premier projet, mais il y aura d'autres projets. Il y en a un qui se passe... Alors c'est le seul qui ne se passe pas sur Amboise. La plupart se passent à l'association de la Belle Poule, donc qui est rue Rabelais. Hein. C'est le café associatif. Mmh. Mais ils vont faire un déplacement avec des Amboisiens sur Chenonceau, avec les fameuses dames de Chenonceau, Diane de Poitiers, etc., etc., qui sont importantes sur ce site. Et puis un dernier projet, je crois que c'est le dernier. Oui. C'est un festival qui est porté par l'association Chanteloire, qui voudrait mettre en place en 2026 un festival de chant choral sur plusieurs jours avec des associations de chorale venant de différents lieux, y compris, je crois, international, pour mettre en avant le chant choral sur le territoire en 2026, organisé aussi avec des amateurs, des professionnels, des solistes, des conférenciers. Voilà, donc c'est un projet un peu de festival, donc d'événements ponctuels. Donc là, on est sur, bien évidemment, 85% de financement, puisque ça correspond vraiment à l'objet associatif hein, de la Chorale Chanteloire, qui propose des concerts tout au long de l'année à Amboise de chant choral. Très bien, donc si parmi ces 13 beaux projets que vous venez de nous détailler, Lionel, comment font les auditeurs pour aller voter ? Rappelez-nous le principe. Il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, donc je le disais tout à l'heure, qui peut voter, les habitants et habitantes d'Amboise de plus de 10 ans peuvent voter. Donc vous pouvez voter soit sur la plateforme participative jeparticipe.ville-du6amboise.fr. Donc là, vous avez à la fois les projets qui vous sont présentés, puis la possibilité de voter directement en ligne. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez 50 000 euros en poche, virtuellement, et vous pouvez les distribuer sur au moins 2 projets, mais plus... si le cœur vous en dit. Et puis, derrière, il y a la possibilité aussi, pour ceux qui sont moins à l'aise ou qui n'auraient pas envie de passer par la plateforme, de voter avec des urnes. Et des urnes, il y en a qui sont placées dans différents endroits. Donc, notamment, il y en a une à la mairie d'Amboise. Mmh. Donc là, c'est pareil, il faut que vous puissiez indiquer les projets et puis le montant pour permettre à ce que vous vérifiez que vous ne dépassez pas les 50 000 euros. Et puis, il y en aura une aussi à la médiathèque. Et il y en aura d'autres aussi ponctuellement qui seront installés, notamment lors des vœux du maire. On fait aussi une permanence au marché d'Amboise les 10 et 17 janvier, le matin, où là, éventuellement, des gens pourront venir voter, il y aura une urne à disposition. Super. Et alors, pour ceux à qui ça donnerait plein d'idées, est-ce que c'est un dispositif qui sera renouvelé sur les années prochaines ? Oui, tout à fait. Donc là, c'était le budget 2024. Alors, on voit bien, on l'a mis en place très largement en 2024. On finalise en 2025. Mmh. Ça demandait pas mal de travaux, de mise en œuvre préalable, il fallait la plateforme, etc. etc. Et donc, normalement, on a un deuxième budget qui va se mettre en place en 2025. Donc voilà. Après, sur les réalisations, on voit bien, selon les projets, il y a des projets qui peuvent être plus ou moins rapidement réalisés. Par exemple, le projet de Chanteloire, c'est pour 2026, donc forcément, les réalisations, parfois, se feront un peu en décalage dans le temps. Mais normalement, on va finaliser le budget participatif sur le premier trimestre 2025 pour 2024, avec les résultats des votes qui vont intervenir donc février. Et puis on pourra relancer un deuxième budget participatif en 2025. Donc il y a peut-être quelques projets qu'on n'a pas pu retenir en 2024, qui auront été retravaillés, améliorés, qu'on pourra reproposer en 2025. Et puis bien évidemment, on espère qu'on aura des nouveaux projets. Super, et ça nous éclaire complètement sur ce dispositif qui est actuellement en route. Donc on rappelle que les votes, c'est jusqu'au 2 février. Tout à fait. Très bien. Sur la plateforme Je Participe, et non pas Participons, comme j'ai pu le dire depuis le début de cette émission, sans que vous ne me contredisiez. Alors après, c'est normal, hein, la petite erreur, elle est très naturelle, parce qu'on a appelé aussi notre plateforme Participons, avec un point d'exclamation, vous voulez quelque chose de positif. Ah, voilà. Mais le nom de la plateforme, c'est Participons, point d'exclamation, mais pour y accéder, c'est Je Participe. Ah, j'avais pas tout faux alors. Non, tout à fait. Bon, tout va bien. Donc jusqu'au 2 février, n'hésitez pas à aller sur cette plateforme pour donner votre avis sur ces 13 différents projets qui ont été proposés à la fois par des particuliers, à la fois par des associations pour améliorer le cadre de vie et proposer des animations également sur Amboise. Merci Lionel. Merci beaucoup Marlène, merci Vincent. À très bientôt sur cette antenne, parce qu'on est amené à se revoir assez régulièrement, puisque comme on le précisait en début d'émission, vous avez de nombreuses casquettes avec beaucoup de choses à partager avec nous. Ouais, merci beaucoup, très bonne fête à tout le monde et puis à bientôt, au revoir. À très bientôt, c'est la fin de ce mag, vous pourrez le réécouter en podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM.